Ce mardi à Assemblage requis, Simon Fitzville présente un autre mythe du rock'n'roll dans sa chronique Paul is Dead. Et Émilie Gauthier continue son impossible tâche d'essayer de convaincre Mathieu Plante d'aller jouer dehors. Bonne chance, Émilie! Assemblage requis, aujourd'hui, 15h!